la vie n'est pas sexy. Balance tout, tu finis dans la saxo. Il veut 50, j'y rajoute, y'a 47,6. J'entends des klaxons et sur moi j'ai le sax seul. Ferme la porte, il faut que tu verrouilles l'accès. On a arrêté de compter les mauvaises actions. On finit sur le terrain numéro 10 dans l'axe. Ça veut gros qu'à vue, paire de talons. Dans un gros cube, port d'Italie. Pour l'instant, charbonne pour des talons. Je vais chercher ma graisse, je croise les portes de talons. Tu sais qu'on gère comme sur la moto. 3D118, ta poteau, c'est la mi-temps. Y'a aucun mytho. Je rentre en audition, c'est bon, j'appuie sur mute. Grosse bouteille au biberon, terre, gros filon, full feu, gros bidon. Bécane, gros guidon, boucave, gros dinon, rabat, gros pilon. La bécane se lève sur l'allée. Les comptés sont là en retour. Deuxième plus sur la ligne. Si c'est plus chaud, c'est bon, on retire. Dans la zone, je mélange chiton et cigarette. Le guetteur alerte, y'a les cifs garés. Pas de message sur ma cime, arrête. Tous passent en sous-marin, si tu savais que j'ai des grammes cachés sous ma haine. Passe le stand, je fais frotter le béton. Je trouve un compte au cul, je fais flipper les piétons. Y'a rien d'inquiétant, je prends une chécor, je fais tomber mon pédou. C'est cool, quand ton quartier il fait beau comme à Monaco. Sauf que je t'arrive pète des los. Et on se demande, ils ont décrit la mine à qui. Le temps passe, ça mène à quoi. Sur qu'un bien gros, c'est Timon qui mène encore. Les bleus, regarde, c'est la semaine à qui. Pendant que sous leurs yeux, le gérant ramène encore. La peu froc, elle est dans le socal. Si je la sors, ça sent comme 100 kills. On connaît les bolos sous cam. J'ai 31, j'ai ce téléphone sans fil. Et plus sa mère, ta soirée s'envole. À croire que j'entends du plus direct, on s'enfuit. T'inquiète, on s'en sort. Change du comico, l'affaire est sans suite. Pas de message sur ma cime, arrête. Tous passent en sous-marin. Si tu savais que j'ai des grammes cachés sous ma haine. Passe le stun, je fais frotter le béton. Je trouve un couteau au cul, je fais flipper les piétons. Y'a rien d'inquiétant.